Est-ce comment tu veux qu'une âme se gère? L'âme, c'est de la gestion. Bon, donc, ça prendrait de quoi de méta, là, par rapport à l'âme? Oui, il y a ça, mais c'est des règles, les affaires du monde de l'âme. Et l'affaire, c'est parce que nous autres, on regarde ça d'un point de vue égoïque, psychologique. Puis on a spiritualisé ça. Mais la vie de l'âme, c'est complètement autre chose. Dans le sens qu'une âme, c'est pas incarné nécessairement. Il y a des lois. On essaie de prendre des lois de l'incarnation, puis on projette ça dans le spirituel. C'est ça de la spiritualisation. On spiritualise des choses. Oui, ben je comprends que dans l'essence de ton propos, ce que tu me dis, c'est qu'à quelque part, en tant qu'ego qui réfléchit, on n'est pas capable d'appréhender adéquatement la réalité de l'âme et de l'incarnation. Parce que, admettons qu'il y a une programmation à accomplir, ou bien il y a un mandat, puis tout, puis que l'âme est apte selon ce qu'elle a accès à l'accomplir, puis bon, il va y avoir un mouvement qui fait que ça va se faire. Mais à part ça, pourquoi il était dit, ah ben, je vous ai mis dans le ventre de vos mères? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette histoire-là? Hein? Dans le fond. Mais c'est-à-dire que en dehors du temps et de l'espace, ben là, c'est différent, là. Mais il y a des éléments que oui, peut-être qu'on a accès. Mais là, c'est pas avec un ego incarné qu'on a accès à ça, mais ça va aller selon son appointement, ça va suivre des lois, ça suit des.